Ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait. Entre les doigts, la garce. À 7 minutes, 5 vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est -20 ou -5. À 7 minutes, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À 7 minutes, 2 policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À 7 minutes, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À 7 minutes, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio. La radio. ce n'était rien, juste pour faire du bruit, juste de la musique, juste des mots, des mots. musst du selbst anhalten, stehen bleiben, genau hinschauen, genau hinhören und einfühlen, festhalten, abspeichern, aufnehmen, verknüpfen, einbetten und auffüllen, los aufgehende Teile in Schwingung und Bewegung, das herrschaftliche Bewusstsein mit der fiesen Bestrebung, den Taumel und Tumult stillzustellen, Beziehung zu verdinglichen, das eigene Denken einzustellen. Dein Hund ist das Bar Brady, hier gibt's was zu sehen und ein türkischer Spray von Arme, ich werd nicht weitergehen, werd mich hier rumtreiben, die Verbindung. rano lenje mali vuote, cartaci nera bella in mezzo ai melograni. E però coi numeri ti tiri con me un pezzo la testa, sto bene anche senza. Uru balessa mea, uru balessa mea, uru balessa mea, uru balessa mea, uru balessa mea, uru balessa mea. Scivolando sulle soglie di amori, con misteriosi nomadi per misteriose mete, giochi di prestigio con i fili del destino. A quel tempo l'occhio ci costava meno di una birra. È vero, tra i numeri ti tiri con me, ho perso la testa, ma sto bene anche senza. Uru, balessa mea, uru, balessa mea, uru. Nelle dune fanno l'eco all'universo. Eravamo ancora dilettanti di delitti, Cartagine era bella in mezzo ai melograni.